L'idée était bonne, mais sa mise en pratique difficile. Paganel avait prévu ces difficultés, mais il suffisait d'une apparence pour duper les Maoris, et non de la terrible réalité d'une éruption. Combien cette journée parut longue? Tout était préparé pour la fuite. À 6 heures, on dîna pour l'avenir. Le crépuscule du soir arriva. Le soleil disparut derrière une bande d'épais nuages d'aspect orageux. Paganel salua l'orage qui venait en aide à ses dessins et complétait sa mise en scène. À 8 heures, le sommet du Maunganamu disparut dans une obscurité sinistre. Il fallait procéder avec rapidité. L'emplacement du cratère fut choisi à 30 pas du tombeau de Kara Tété, car avec lui eut également disparu le tabou de la montagne. Là, Paganel avait remarqué un énorme bloc de pierre autour duquel les vapeurs s'épanchaient avec une certaine intensité. Ce bloc recouvrait un petit cratère naturel, creusé dans le cône et supposé par son poids seul à l'épanchement des flammes souterraines. Si l'on parvenait à le rejeter hors de son alvéole, les vapeurs et les laves fuseraient aussitôt par l'ouverture dégagée. Les travailleurs se firent des leviers avec les pieux arrachés à l'intérieur de l'Oudoupa et ils attaquèrent vigoureusement la masse rocheuse. Le roc ne tarda pas à s'ébranler. À mesure qu'il le soulevait, les trépidations du sol s'accusaient plus violemment. Un suprême effort arracha le bloc qui glissa sur la pente du mont et disparut. Aussitôt, la couche amincie céda. Une colonne incandescente fusa vers le ciel avec de véhémentes détonations, tandis que des ruisseaux d'eau bouillante et de lave roulaient vers le campement des indigènes et les vallées inférieures. Tout le cône trembla. Ils ont pu croire qu'il s'abîmait dans un gouffre sans fond. Glenarvan et ses compagnons eurent à peine le temps de se soustraire aux atteintes de l'éruption. Ils s'enfuirent dans l'enceinte de l'Oudoupa. Alors, les vases, les laves, les détritus volcaniques se confondirent dans un même embrasement. Des torrents de feu sillonnèrent les flancs du Maunganamu. Tout le sophage s'était levé, hurlant sous la morsure de ces laves qui bouillonnaient au milieu de leur bivouac. À de certains moments où faiblissait le fracas de l'éruption, on les entendait hurler leurs cris sacramentels. « Tabou ! Tabou ! Tabou !»